Um, dois, três. Três, quatro. Moleque danadinho, traz de volta o meu radinho, você vai ver. Garotinho capeta, bagunçou minha gaveta e a caneta, cadê? Vem cá, seu sem vergonha, meu guri, minha peçonha, vem aqui piar. Oi, se eu te pego, te pico, boto no pinico e beijo até matar. Oi, se eu te pego, te pico, boto no pinico e beijo até matar. Toda manhã, café com pão e pijaminha, que chora, sai o sol. Escova, dente, roupinha, mochila, lanche, cachecol. Encaro o boi da cara preta, não tem medo de careta. Gosta de beijo, goiabada, cocada, cafuné, futebol. Pequeninho tá crescendo, quase que pensa que é gente. Mas felizmente, por enquanto, nessa casa quem manda sou eu. Sou eu. Viens là, petit voyou. Ah là là, je suis à bout, je vais me fâcher. T'as mis des miettes sur mon lit, t'as confisqué mon parapluie pour te faire une épée. Tes beaux souliers sont fichus, les bonbons sont disparus, le chat est tout énervé. Gare à tes fesses, coquin, ton compte est bon, si je te tiens, tu vas le regretter. Je te le dis pour ton bien, si je t'attrape mon coquin, je vais te chatouiller. Tous les matins, petit voyou, les cheveux fous, les yeux tout collés de sommeil. La vie est belle, on gèle, mets-toi mon rayon de soleil. Tu cavales, tu caracoles, sur le chemin de l'école. On fait les fous, on a des ailes, on est des loups, c'est toi la tague et voilà. Tout petit bout de bonhomme, hier tu faisais pas trois pommes. Mais pour l'instant, heureusement qu'à la maison, c'est qui le boss, c'est moi. Tout petit bout de bonhomme, hier tu faisais pas trois pommes. Mais pour l'instant, heureusement qu'à la maison, c'est qui le boss, c'est moi. So, ew, so, ew. So, no, no, no.